La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous, aujourd'hui mardi, deuxième épisode de notre série consacrée à ce faune écrivain qui était Guy de Maupassant, 1850-1893. C'était un homme sportif, un nageur, un canotier avec un physique de bon vivant, un gaillard avec un aspect solide qui contrastait avec ses grandes faiblesses, qu'elles soient physiques comme psychologiques. Faiblesse qui se transformerait en psychose à la fin de son existence, jusqu'à le conduire à la clinique du docteur Blanche, où son frère l'avait d'ailleurs précédé. Cet homme, profondément attaché à sa mère et à Flaubert, qui était son père spirituel, nous en avons dessiné le portrait hier en compagnie de Stéphane Martinez. Jeudi, sous l'appellation « bordel » d'autrefois, qui ne laisse aucun doute sur la teneur de notre émission, je m'entretiendrai avec Patrick Wald-Lazowski et Daniel Grojnowski. Il sera également question de la raison qu'a fini par perdre l'auteur du « Orla ». Demain, ce sont les nouvelles et les contes qui retiendront notre attention. Boule de Suif, La Parure et bien d'autres. Nous en parlerons avec l'universitaire Martin Reed. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, la majeure partie de cette émission sera consacrée à un livre au titre simple, minimal, sans sujet, sans complément. J'ai nommé une vie moyenne, n'importe laquelle, celle de n'importe qui, comme l'écrit Antonia Foni dans son introduction à ce chef-d'œuvre de Maupassant. Antonia Foni, qui est chercheuse au CNRS et enseignante, et qui est mon invitée d'aujourd'hui. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs. Je comprends pourquoi. Je suis très frappé de voir, en effet, que les jeunes gens autour de moi se mettent à relire Maupassant, ce qui me fait infiniment plaisir. Je crois que ça tient peut-être à une espèce de vitesse de Maupassant, c'est-à-dire une brièveté des textes à quoi la jeunesse est extrêmement sensible, et que même les longs romans sont des romans tout en muscles, alors qu'il y a une masse dans Balzac qui parfois peut rebuter un jeune lecteur. Maupassant est quelqu'un, si vous voulez, qui est dégraissé. Et ça, c'est une vitesse, c'est un littérateur qui fait du roman, même Bellamy est un roman rapide, qui va vite, qui frappe, etc. Et pour une jeunesse, si vous voulez, qui est terriblement formée par le cinéma, et ça recoupe ce qu'a vraiment la nouvelle dire, justement, cette idée que Maupassant est un homme de l'œil, est un homme de la rapidité, de l'action rapide, pour quelqu'un qui aime le cinéma, si vous voulez, Maupassant est très très proche. L'écrivain et critique Jean-Louis Bory, parlant de Maupassant, c'était en 1975. Bonjour Antonia Foni. Bonjour. C'est très cinématographique, Maupassant, et cela même avant l'invention du cinéma. Vous diriez cela également, comme Jean-Louis Bory ? Bien sûr, et nous venons d'en avoir la preuve avec le film sur une vie, très beau film. C'est un bon film pour vous ? C'est un très beau film. C'est surtout film de Stéphane Brisé. Oui, c'est surtout très beau pour moi parce qu'il rend vraiment dans l'image ce qui est la sensation dans ce roman, sensation qui est très importante. Finalement, les personnages, surtout l'héroïne, n'existent que à travers ces sensations. Et cette idée que soulevait également Jean-Louis Bory, que c'est un écrivain de l'œil, Maupassant. C'est un écrivain de l'œil. Va dans le sens de ce que vous dites. Oui, mais je dirais pas seulement de l'œil, mais aussi de l'odorat. C'est très important. Les odeurs chez Maupassant, aussi le toucher, peut-être, on va en dire un mot pour une vie. Donc, oui. Tous les sens. Donc, un homme de la sensation. Les frontières sont floues entre les genres chez Maupassant Et là, on rejoint un petit peu la question de la vitesse. Les contes, les nouvelles, mais aussi les romans sont écrits toujours de façon extrêmement rapide par Maupassant. Comment faites-vous la différence finalement entre ces différents genres chez l'écrivain normand Antonia Fauny? Alors je dirais tout d'abord qu'Une vie fait exception, parce qu'Une vie est un roman lent. C'est le seul. C'est encore entièrement sous l'influence de Flaubert. Il l'a conçu encore du vivant de Flaubert. C'est là, en quelque sorte, c'est la lenteur de Flaubert qui est reprise par Maupassant. Sinon, en effet, c'est un écrivain rapide, c'est un écrivain de l'événement. Et il y a plusieurs sortes de projets créatrices. Chez Maupassant. Alors tout d'abord, contes et nouvelles, pour moi, il n'y a pas de différence. Mm-hmm. Quand on regarde les dictionnaires, quand on regarde ce qu'on écrit Maupassant lui-même, on ne voit vraiment pas la différence. Le conte n'a pas une dimension plus morale, par exemple? Ça a été le cas chez Marmontel, mais ce n'est pas du tout le cas chez Maupassant, par exemple. On dit les contes de Maupassant, mais personne ne dirait les contes de Mérimée, par exemple. Mmh. On dirait toujours la nouvelle. Donc je crois que surtout au XIXe siècle, c'est plutôt une convention de langage. On ne sait pas très bien pourquoi, on utilise tantôt l'un, tantôt l'autre. Et d'ailleurs, de nos jours non plus, ce n'est pas tranché, tellement que j'ai lu... les contes et nouvelles de Maupassant, pas les contes et les nouvelles, mais les contes et nouvelles comme si c'était un seul syntagme, un seul dans un même tonneau. Alors quant au roman, bien entendu, c'est différent. Je dirais que ce qui compte en premier lieu, ce n'est pas la longueur, contrairement à ce qu'on croit. Ce qui compterait en premier lieu, c'est que le roman est conçu comme une continuité, il y a un projet de continuité. Maupassant d'ailleurs, très souvent, prend un épisode de roman et en fait une nouvelle, ou quelquefois l'inverse, il intègre un conte qu'il a déjà publié dans un roman. Mais est-ce qu'on peut dire par exemple que les contes ou les nouvelles sont des esquisses aussi pour des romans ? Ah non, alors là je dirais que non. Là je dirais que non, parce que il y a une conception tout à fait différente. Dans une nouvelle ou dans un conte, si l'on veut, il se concentre sur un fait, sur un événement, tandis que dans un roman, ça se suit, tout s'intègre. Il y a une multiplicité, oui, dans le roman, alors que dans la nouvelle, il y a une espèce d'unité. Oui, unité, je dirais, il y a un effet d'unité très fort et un effet de brièveté. C'est pas vraiment la brièveté, c'est l'effet de brièveté. Et comment analysez-vous le fait qu'il souhaite d'abord être poète au début de sa vie, puis va écrire des nouvelles, puis se mettra au roman? Pourquoi est-ce que ça s'allonge comme ça au fur et à mesure chez Maupassant? Je crois que c'est pas tout à fait ça. Il a voulu être poète. Je dirais au 19e siècle, tout le monde voulait être poète. Il était jeune, il suivait un schéma d'ambition littéraire. Et il a été vraiment encouragé par Flaubert. Donc Maupassant était un poète laborieux. Les vers ne lui venaient pas très facilement. Flaubert était là avec sa férule et corrigeait. Et Maupassant misait vraiment sur son premier volume, enfin unique volume de poésie, dont le titre est « Des vers ». C'est un peu comme une vie n'importe laquelle, des vers n'importe laquelle. Mais assez vite, il l'a abandonné. Je dirais que la mort de Flaubert y était pour quelque chose. Donc là, les événements se succèdent très rapidement. Il y a la parution de son volume des vers. Il y a la parution de Boule de Suif dans les soirées de Médan, qui est un succès immense. Donc une nouvelle, là encore. Oui, qui est une nouvelle. Et puis, deux semaines après, Flaubert meurt. Je crois qu'il abandonne la poésie en abandonnant Flaubert, en quelque sorte. Et après, Après, je crois qu'il n'y a pas vraiment une évolution, c'est parallèle. Il écrit des nouvelles, des chroniques, énormément de chroniques. Quelquefois, même entre les chroniques et les nouvelles, les frontières ne sont pas très nettement tracées. Et après, parallèlement, il écrit des romans qui paraissent également en feuilleton dans les journaux. Et le premier roman de Maupassant, c'est donc celui qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire Une vie dont voici un extrait, lu par Chloé Lambert. Bonjour, on est toujours sur... Il la saisit à bras-le-corps, rageusement, comme affamé d'elle. Et il parcourait de baisers rapides, de baisers mordants, de baisers fous toute sa face et le haut de sa gorge, l'étourdissant de caresses. Elle avait ouvert les mains et restait inerte sous ses efforts, ne sachant plus ce qu'elle faisait, ce qu'il faisait, dans un trouble de pensée qui ne lui laissait rien comprendre. Mais une souffrance aiguë la déchira soudain et elle se mit à gémir tordue dans ses bras pendant qu'il la possédait violemment. Que se passa-t-il ensuite? Elle n'en eut guère le souvenir, car elle avait perdu la tête. Il lui sembla seulement qu'il lui jetait sur les lèvres une grêle de petits baisers reconnaissants. Puis il dut lui parler et elle dut lui répondre. Puis il fit d'autres tentatives qu'elle repoussa avec épouvante. Et comme elle se débattait, elle rencontra sur sa poitrine ce poil épais qu'elle avait déjà senti sur sa jambe, et elle se recula de saisissement. Là, enfin, de la solliciter sans succès, il demeura immobile sur le dos. Alors elle songea. Elle se dit désespérée jusqu'au fond de son âme, dans la désillusion d'une ivresse rêvée si différente, d'une chair attente détruite, d'une félicité crevée. Voilà donc ce qu'il appelle être sa femme. Extrait donc d'Une vie, c'est le moment de la nuit de noces entre Jeanne et Julien. Une vie dont vous dites, Antonia Fauny, qu'il s'agit de l'histoire d'un grand deuil et même d'une série de deuils. Oui, il y a plusieurs deuils, et je dirais même il y a plusieurs étages de deuil. Donc, Une vie, en effet, c'est une histoire d'une série de deuils. Jeanne, l'héroïne, perd toutes ses illusions, et elle doit faire le deuil de ses illusions. On peut peut-être raconter brièvement l'intrigue, l'histoire. Oui, je ne sais pas si on peut parler d'intrigue, mais plutôt d'histoire. Oui, enfin, intrigue, oui, pourquoi pas. Jeanne est au couvent, c'est son père qui veut qu'elle soit élevée au couvent, vierge, non seulement de corps bien entendu, mais d'âme aussi, de toute influence mondaine. Et quand elle arrive à la maturité, vers 17-18 ans, elle sort du couvent et ses parents l'emmènent au château des peuples, qui est un manoir familial, qui vient d'être restauré, c'est très important pour elle. Et elle découvre le monde. Et elle est éblouie. Elle est heureuse. Elle est libérée finalement ce couvent qui était une prison pour elle. Et le projet du père, d'ailleurs, le père qui est disciple de Rousseau et donc veut élever sa fille dans la nature, en lui expliquant la nature. C'est pour cela qu'on l'amène tout de suite à la campagne. Et après sa première nuit dans ce château, elle se réveille et elle voit l'aurore, qu'elle ressent comme l'aurore de sa vie. C'est sa vie qui commence et elle est vraiment très heureuse, le monde est ouvert, immense devant elle. Mais ce monde immense doit dans ses rêves se concentrer autour d'un seul personnage qui sera l'homme qu'elle aimera. Cet homme apparaîtra bientôt, c'est le premier venu, c'est le premier homme qu'elle rencontre et elle tombe tout de suite amoureuse de lui. Bel homme, galant homme, mais il cherche surtout la dot. Il se marie, et là vient cette nuit de noces terrible, ce viol légal qu'on vient de lire. Et après, ils partent en voyage de noces. En Corse. Où là, finalement, ça se passe très bien. Voilà. Et elle découvre l'amour physique. Elle n'avait pas découvert pendant sa nuit de noces. Elle découvre l'amour physique dans la nature. Et là, elle est très heureuse. Très heureuse jusqu'au moment où il rentre en France. Et rentré à la campagne, son mari se désintéresse d'elle. Elle ne comprend pas très bien. Ce sont des jours monotones qui commencent. Se désintéresse d'elle, mais pas de sa dot, en revanche. Ah non, pas, mais oui, surtout bien sûr. Pas. Pas de sa dot. Il introduit de nouvelles règles dans l'économie, etc., etc. Il est très avare. Et elle n'a même pas le droit de manger sa galette au petit déjeuner. Et ça continue comme ça jusqu'au jour où elle découvre qu'il couche, c'est vraiment le mot, avec la bonne. Alors on ne va pas pouvoir raconter toute l'histoire, mais simplement à partir de ces éléments que vous avez placés, dire que ce mari va mourir et que toutes les illusions de Jeanne au fur et à mesure du roman qu'on continuera d'explorer vont disparaître. C'est donc la fatalité, l'acharnement du destin qui tombe comme ça sur le personnage de Jeanne. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Elle emploie en effet le mot de fatalité. Mais alors justement, cette bonne qui, vers la fin du roman, revient vers elle et sera sa garde-malade, infirmière, une mère pour elle, dira que « Mais non, madame, ce n'est pas la fatalité, vous êtes mal mariée, c'est tout. Aussi, n'épouse-t-on pas un homme qu'on ne connaît même pas. » La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons d'une vie de Maupassant avec Antonia Fauny. Alors avant d'entrer plus précisément dans l'analyse de ce roman, racontons peut-être un petit peu comment il a été écrit. C'est donc le premier roman de Maupassant, je l'ai dit. Il a eu beaucoup de mal à l'écrire puisque sa gestation a été extrêmement longue de 1877 à 1883. 6 années tout de même, Antonia Fauny. Oui, en fait, il n'a pas travaillé là-dessus pendant 6 années. Le projet conçu fin 77, il est très enthousiaste, il se met à écrire, et puis fin 78, il s'interrompt. Il évoque comme obstacle son travail au ministère, qu'il n'a pas le temps, ni l'énergie. Très ennuyeux, comme nous l'avons vu hier. Oui, très ennuyeux, mais quand même, j'ajouterais que Maupassant était un excellent administrateur. Il avait toujours de bonnes notes, il s'en moquait, mais s'il était resté, il aurait fait carrière. Chez Maupassant quand même. Oui, ouais. Et on le sent d'ailleurs dans son écriture, ouais. C'est très tenu. Oui, oui. Et donc, il s'interrompt, mais en fait, je crois que la vraie raison, c'est qu'il veut faire plus vite. Il veut faire autre chose. C'est pour cela qu'il commence à écrire, il a déjà commencé à placer quelques chroniques, entre parenthèses, on vient encore d'en retrouver deux, tout récemment. Mmh. Et il écrit des nouvelles, il écrit Boule de Suif. Pour devenir célèbre plus rapidement. Plus rapidement. Et bien entendu, il multiplie les relations littéraires et mondains. Et Boule de Suif, qui sera son immense succès, qui le posera dans la littérature française, il l'écrit sans l'avoir montré à Flaubert. Flaubert ne connaîtra le texte que sur épreuve. J'y insiste parce que d'aucuns ont dit que ouais, c'est Flaubert qui a écrit, c'est Flaubert qui a revu, etc. Mmh, pas du tout. Mais ça, c'est important. Ça veut dire qu'il s'éloigne un petit peu, oui, symboliquement de la tutelle littéraire de Flaubert. Oui, oui, oui, oui. Il veut faire son chemin, et donc Boule de Suif paraît, le volume de poésie paraît. Il est posé, il est placé, il quitte le ministère d'abord avec congé, ensuite définitivement. Et donc on se demande, et Flaubert meurt. Flaubert meurt, donc nous sommes en 80. On se demande pourquoi il ne reprend pas une vie tout de suite. Ouais. Et probablement, enfin c'est mon hypothèse, c'est que un roman commencé sous les yeux de Flaubert, reprendre quand le deuil est encore entier, quand Flaubert vient de mourir, c'est probablement impossible. Parce que pour Maupassant, la perte de Flaubert, c'est un très grand deuil. Mais on se demande d'ailleurs, en lisant Une vie, ce que Flaubert aurait pensé de ce roman qui est tellement flaubertien, qui ressemble quand même tellement à Madame Bovary. Je ne sais pas ce qu'il... C'est difficile de dire ce qu'il aurait pensé, à mon avis. À mon avis, ça lui aurait beaucoup plu. Justement, parce que un des grands problèmes, quelquefois, de Flaubert, Flaubert aussi en parle, pour lui aussi c'était un problème, et pour Maupassant c'était un immense problème, c'est... Ça s'appelle les transitions. Comment faire les transitions ? Donc d'une scène à l'autre, presque d'une phrase à l'autre. Et Une vie, c'est vraiment un roman de transition. Pourquoi ? En quoi c'est plus un roman de transition qu'un autre transition. Roman ? Oui, de transition. Parce que, je dirais, il y a une tonalité de base qu'il maintient toujours. C'est une tonalité dépressive. Quand on regarde de près le texte, on voit un mot qui revient très souvent, c'est engourdissement et aussi affaissement. Jeanne est toujours quelquefois mélancolie, mais je dirais presque mélancolie est déjà trop forte. Et c'est cette tonalité d'impuissance, qui est très flaubertienne d'ailleurs, qui sous-tend une vie, et comme s'il y avait deux mains, comme si la main gauche jouait la dépression, et puis la main droite, un peu plus vive, raconte les épisodes, les événements, les incidents. Mais c'est très continu. Tandis que quand on regarde par exemple Bellamy, on dirait ce sont des diverses histoires cousues les unes après les autres. Donc il y a ce côté très technique que Maupassant partage avec Flaubert, oui. Le travail constant de chaque phrase, oui. De chaque paragraphe, ah oui. Et de leurs enchaînements. Oui. Ce qu'il emprunte aussi à Flaubert, c'est la toute dernière phrase du roman. Alors ça, oui. Il n'y a rien de plus symbolique quand même. Que oui. La dernière phrase d'un roman, Antonia Foni. C'est la vie, c'est la servante qui dit à Jeanne, la vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. En fait, la phrase de Flaubert n'est pas tout à fait ça. Flaubert lui a écrit... Il faut dire que c'est une phrase que Flaubert a écrite dans une lettre envoyée à Maupassant. Oui, mais Flaubert a écrit les choses, et ça c'est un mot de Flaubert, les choses ne sont jamais ne sont ni si bonnes ni si mauvaises qu'on le croit. Toujours la compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, on a commencé cette émission en parlant du deuil, qui est ce thème qui revient en permanence, selon vous, Antonia Foni, dans Une vie de Maupassant. Parmi ce deuil, il y a aussi les deuils familiaux que Maupassant a lui-même connus. Et on peut dire que Maupassant fait le deuil de sa propre biographie en fusionnant certains de ses aïeux dans des personnages de ce roman, Antonia Foni. Oui, c'est certain que ce premier roman a pour modèle... modèle plus ou moins proche ou lointain, certains membres de sa famille, le mari de Jeanne par exemple, Julien, c'est un peu son père, je dirais bien un peu. Un peu beaucoup, disons, dans le côté volage. Dans le côté volage, dans le oui, peu d'attention oui, finalement oui, qu'il oui, prête à sa femme. Oui, oui, bien entendu. Que le fils de Jeanne qui dilapide la fortune familiale, c'est Hervé, le frère de Maupassant. Et alors, bien entendu, Jeanne, elle a beaucoup, beaucoup de la mère. Oui. Ce côté dépressif, c'est Laure de Maupassant. Et il y a aussi les deux grands-pères. Il y a aussi les deux grands-pères, enfin les grands-parents, la grand-mère, bien entendu, la mère de sa mère, qui était très existante. Et il y a surtout, je dirais, Derrière, pas seulement la famille, mais tout un, toute une couche sociale, tout un caste social dont il fait le deuil. Il fait le deuil de la noblesse. Alors on va en parler immédiatement. Est-ce que Maupassant lui-même est présent dans ce roman, selon vous ? Vous savez, un écrivain toujours présent dans son roman, c'est impossible autrement. Et je dirais, il est très présent, mais il est présent par son identification à l'héroïne. Et par son identification donc aussi, à sa mère, d'une certaine mère, façon. À sa mère. Parce que, par exemple, on peut voir certaines lettres de sa jeunesse écrites. Il monte à Paris et il écrit très souvent à sa mère. Et, par exemple, il lui écrit que je te vois seul devant ton feu, regardant fixement tes souvenirs, etc. Et moi aussi, je suis solitaire et je regarde devant moi. Et on voit Jeanne, vers la fin du roman, exactement dans la même position, regardant son feu éperdu, ainsi de suite. Et donc un deuil peut-être plus grand encore, c'est, vous commenciez de le dire, Antonia Foni, et là c'est peut-être moins visible dans le roman, le deuil de l'Ancien Régime et des classes sociales organisées comme elles l'étaient pendant l'Ancien Régime. Voilà, je crois que ça c'est très important. Maupassant n'était pas du tout entaché de noblesse. Il était noble alors. Il était de Maupassant. Oui, oui, bien sûr. Et c'était une noblesse, parce que quelquefois on a dit que c'était une noblesse douteuse. Pas du tout. C'était une noblesse on ne peut plus authentique. Seulement, pendant la Révolution, comme ça arrivait souvent, on a laissé tomber la particule parce que c'était dangereux. Ce dont Maupassant en effet fait le deuil, enfin ce qu'il regrette, ce n'est pas l'aristocratie proprement dite, mais comme vous venez de dire, une société clairement structurée où chacun a une identité solide. Parce que la société de son présent, la société, pour être bref, bourgeoise, ça c'est quelque chose pour lui, c'est l'uniformité, l'argent, ça veut dire que tout est interchangeable et une vie raconte aussi la décadence de cette ancienne classe qui avait son identité fixée à la terre, son nom et son identité sociale à la de père, tandis que le fils de Jeanne à la fin du roman écrit la particule unie à son nom, donc il s'appelle De Lamar, et il écrit De Lamar. Donc il renie finalement la noblesse dont il descend, il devient lui-même un bourgeois. C'est assez, du coup, étonnant de penser que quelqu'un comme Maupassant serait au fond contre la Révolution, qu'il regrette l'Ancien Régime et le système quand même de caste qui était celui de l'Ancien Régime. Il regrette et il regrette pas. C'est-à-dire, il ne regrette pas, je crois, la libération, l'individualisme qui apparaît avec la chute de s'impose avec la chute de l'Ancien Régime, mais en même temps, qui n'a pas connu l'Ancien Régime, n'a pas connu la joie de vivre. Donc, de ce côté-là, il regrette l'Ancien Régime. Et encore une fois, j'y insiste, Maupassant qui lui-même a des problèmes d'identité, ça c'est le côté de malaise psychique, il tient beaucoup à tout ce qui peut assurer, affirmer une identité. Et c'est surtout ça qu'il regrette. Plus étonnant encore, vous expliquez que le changement des comportements amoureux d'une génération à une autre, et donc au fur et à mesure que la bourgeoisie se développe à la fois en France et du coup dans le roman, rappelons que ce roman se passe non pas du temps du vivant de Maupassant, mais avant, pendant la première partie du 19e siècle. Donc le changement des comportements amoureux est significatif pour lui de ce passage vers cette bourgeoisie qu'il semble déplorer. Oui, bien sûr, parce que dans l'Ancien Régime, dit-il, les choses étaient claires, on se mariait pour la transmission, pour la filiation, on transmettait la situation et la fortune familiale, mais l'amour n'avait rien à voir avec le mariage. Les parents de Jeanne, son père et sa mère étaient aimés ailleurs, Ce qui ne leur posait pas de difficulté. Aucun problème. Et il fallait même pas pardonner, c'était tout naturel. Et Jeanne, quand elle découvre, après la mort de sa mère, des lettres d'amour qu'elle avait reçues du meilleur ami de la famille, elle est catastrophée. Elle ne comprend plus. Oui, parce qu'elle croit à l'égalité et à la passion éternelle. Oui, donc l'amour vient, selon Maupassant, vraiment à tort, vient se nicher dans le mariage. Et donc, il n'y a plus la possibilité de la liberté amoureuse. Mmh. Le couple bourgeois, c'est un enfermement. Oui. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Antonia Fauny, nous allons continuer de parler du livre Une vie de Maupassant, mais tout de suite, et comme chaque jour dans cette émission, c'est le moment d'En compagnie des revues. Nous sommes en duplex avec France Bleu Gironde à Bordeaux, où se trouve Olivier Mauny. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors aujourd'hui, contrairement à la tradition que vous avez instaurée à ce micro de nous faire découvrir des auteurs disparus, c'est d'un vivant et toujours très actif éditorialement, François Rivière, que vous avez décidé de nous parler. Oui Mathieu, et effectivement, je voudrais tout de suite rassurer sa famille et ses proches, François Rivière est bien vivant, au combien d'ailleurs. Il publie d'ailleurs ces jours-ci aux éditions du Masque « Agatha, es-tu là ?», coécrit avec son ami Nicolas Perge, une de ses fictions piégées, faussement inoffensives dont il a le secret, tournant autour de ce qui demeure sa plus grande marotte, Agatha Christie, à laquelle il a déjà consacré un nombre impressionnant d'ouvrages, fiction donc, mais aussi la première biographie française qui lui ait jamais été consacrée, beaux livres et même livres de recettes de cuisine. Donc un nombre impressionnant d'ouvrages, mais aussi de films ou de pièces radiophoniques. François Rivière, qui publie des livres sous son nom depuis plus de 40 ans, sans jamais se départir d'une image d'élégant dilettantisme, est sans doute, à ce moment-là, le dilettante le plus acharné au travail de notre paysage littéraire. Songez, Mathieu, que si vous faites une recherche sur son nom, sur le site bibliographique de référence Electre, vous obtiendrez plusieurs centaines d'occurrences. Il est vrai que notre homme a embrassé au fil des ans l'ensemble des champs de la création littéraire, romans bien sûr, romans dits blancs comme romans de genre, noirs ou même roses, essais littéraires et biographiques, beaux livres, des dizaines de préfaces, critiques, et aussi, et ce n'est pas le moins important, scénarios de bande dessinée. Donc c'est un écrivain très prolixe, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qu'il différencie finalement de ses pairs? Qu'est-ce que ses pairs n'auraient pas qu'il aurait lui? C'est un peu rapide, mais je dirais une curiosité sans cesse en éveil, Mathieu. Un goût certain et très sûr de la dissipation. Une franche détestation du littérairement correct et du mainstream, pour parler en bon français. Une bibliothèque de Babel, en somme, comme l'aurait dit Borges, qui est, on le sait peu, l'un de ses maîtres. Je citais à l'instant Agatha Christie, il faudrait aussi citer Hergé, Hitchcock, Frédéric Dard ou même Edith Blyton, cette inconnue célèbre à laquelle il consacra un livre indispensable. Toutes ces icônes populaires qui offrirent à l'enfant un peu solitaire qu'il était, du côté de Sainte, en Charente-Maritime, un horizon possible et lui entr'ouvrir les portes sur les sortilèges de la fiction. Il ne l'a jamais oublié tout en refondant ses fascinations initiales dans un univers qui lui est propre, dominé par l'appréhension du réel, sa mise en perspective et en doute permanente, un univers nocturne et proche des rêves et des cauchemars de l'enfance que ce lecteur du Barthes de la fin appuie sur ses mythologies personnelles. Par exemple, lorsque ce grand spécialiste de l'âge d'or de la BD franco-belge, qui fut un compagnon de route à la fin de leur vie, d'Hergé, de Jacobs ou de Jacques Martin, et contribua à définir ce que l'on appellera la ligne claire, signe à son tour des scénarios, avec son compère Flock au dessin, il le fait en réorchestrant ses récits dans le plus grand ensemble de ses dilections littéraires, de Chesterton au Grand Guignol, en passant par Les Reines du Crime ou Somerset Maugham. Ses premiers romans, paru dans la prestigieuse collection Fiction et compagnie du Seuil, lui vaudront d'ailleurs d'être cité par Patrick Moriès dans son nouveau manifeste Kemp, comme le principal représentant avec Jean-Jacques Schulz de ce courant alors vivace. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas, comme Jean-Jacques Schulz justement, une reconnaissance identique et pleinement littéraire ? Peut-être du fait de la dispersion que j'évoquais à l'instant. La République française des lettres n'aime pas beaucoup les francs-tireurs et n'a jamais très bien su quoi faire de ce lecteur de San Antonio qui lisait également Tony Duvert. Et puis aussi, je crois que le type de reconnaissance que vous évoquez, Mathieu, n'est pas au fond ce qui l'intéresse vraiment. La diversité de sa production en témoigne. Toute son œuvre, inégale bien sûr, mais comment faire autrement, est une mémorabilia autour de lieux réinventés par la mythologie qu'il trimballe, j'y reviens. En même temps, et c'est le motif caché dans le tapis de toute l'œuvre, qu'une ode un peu homo-érotique, secrète et infiniment élégante. Hollywood, l'Angleterre, Bruxelles, comme Paris ou Royan, où il vit désormais une partie de l'année, ne sont que les faces convexes d'un même miroir qui lui renvoie avant tout l'image de l'enfance, de son enfance. Il n'est pays que de l'enfance, écrivait Roland Barthes. Depuis 40 ans, François Rivière cherche à s'en convaincre. Merci Olivier de nous avoir donné envie de le lire et puis à très bientôt à ce micro. À très bientôt Mathieu. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et nous reprenons notre conversation avec Antonia Fauny qui a préfacé le roman Une vie dans l'édition Garnier Flammarion. Une vie dont voici un nouvel extrait. Elle était souvent poursuivie d'idées fixes qui l'obsédaient et torturée par des préoccupations insignifiantes, les moindres choses dans sa tête malade prenant une importance extrême. Elle revivait surtout dans le passé, dans le vieux passé, hantée par les premiers temps de sa vie et par son voyage de noces là-bas en Corse. Des paysages de cette île oubliée depuis longtemps surgissaient soudain devant elle dans les tisons de sa cheminée. Et elle se rappelait tous les détails, tous les petits faits, toutes les figures rencontrées là-bas. La tête du guide Jean Ravoli la poursuivait et elle croyait parfois entendre sa voix. Puis elle songeait aux douces années de l'enfance de Paul, alors qu'il lui faisait repiquer des salades et qu'elle s'agenouillait dans la terre grasse à côté de tante Lison, rivalisant de soins toutes les deux pour plaire à l'enfant, luttant à celle qui ferait reprendre les jeunes plantes avec le plus d'adresse et obtiendrait le plus d'élèves. Et tout bas, ses lèvres murmuraient « Poulet, mon petit poulet ». Comme si elle lui eût parlé. Et sa rêverie s'arrêtant sur ce mot, elle essayait parfois pendant des heures d'écrire dans le vide, de son doigt tendu, les lettres qui le composaient. Ces lettres qu'elle écrit dans le vide avec son doigt, Antonia Fauny, ce sont les lettres du surnom de son fils, Poulet. Et là, on a beaucoup avancé dans le roman. Elle a déjà presque tout perdu. Elle a été ruinée à cause de son mari qui est mort. Et elle vit donc chez celle qui était son ancienne bonne. Ce qui fait qu'il y a comme... une nouvelle distribution des rôles entre celle qui était l'aristocrate et celle qui était à son service. Oui, bien sûr, on arrive là dans une société égalitaire. Et d'ailleurs, la perte de la fortune que le père a dû hypothéquer à cause de la légèreté de ce fils qu'il a quitté, qui est à Paris, qui est à Londres, qui joue à la bourse, qui fonde des compagnies, on ne peut plus capitaliste, n'est-ce pas ? On est déjà dans un autre monde. Et donc c'est l'argent qui détruit tout alors ? C'est l'argent, je ne dis pas que l'argent qui détruit tout, c'est l'argent qui uniformise. L'argent rend tout interchangeable. Et c'est pour cela, si Maupassant, peut-être le mot nostalgie ne convient pas, mais si Maupassant regrette la disparition de l'Ancien Régime, c'est à cause de cette uniformisation qui survient avec le système capitaliste, avec l'échange. Alors, les hommes n'ont pas tellement le beau rôle dans ce roman, que ce soit le mari, qui est non seulement volage, mais en plus incompétent en affaires, et puis le fils qu'elle aime tellement, et qui ne lui rend pas. Ce fils est complètement complètement insensible. Là aussi, je dirais que c'est du vivant du fils qu'elle doit faire le deuil. En tout cas, le deuil de son rapport affectif à son fils, de qui il ne peut plus qu'écrire le nom dans l'air, comme ça a été cité. Et comme par hasard, n'est-ce pas, il y a quand même, un seul personnage masculin qu'on aime bien dans le roman, c'est le père. Qui était lui justement un vrai aristocrate, grand lecteur, oui, mais qui était un amateur Rousseau, de Rousseau, n'est-ce pas, voilà. À la toute fin du roman, Jeanne quand même reprend, goût à la vie, mais là c'est trop simple. Rosalie, la bonne, va à Paris et récupère le nouveau-né de son fils, parce que le fils était avec une femme de mauvaise vie, oui. Et roturière et de plus de mauvaise vie, il n'était pas marié. La femme est mourante, le fils écrit une lettre désespérée, et Rosalie, la bonne, fait le voyage de Paris, obtient qu'il se marie, donc tout rentre dans la légalité, et revient avec le nourrisson. Et Jeanne met le nourrisson dans les bras de Jeanne. Et Jeanne ne regarde même pas, ne sait même pas. Et dans Cariole, qui les ramène à la maison, tout à coup, là encore c'est la sensation, elle sent une chaleur dans ses genoux, dans ses jambes, une chaleur dans tout son corps, et se rend compte que c'est le corps de l'enfant, de son petit enfant, qui lui communique cette chaleur. Et là, elle est soudainement heureuse. Et elle découvre le visage de l'enfant, donc là, elle veut voir ce que c'est, et bien entendu, c'est une fille. Donc c'est une femme, enfin une future femme, une fille, qui va lui rendre, à cette femme que les hommes ont tellement déçue, qui va lui rendre la joie de vivre. Et il y a quelque chose de presque sensuel dans la scène que vous décrivez, oui. Et c'est par la sensualité qu'elle a aimé en Corse, qu'elle a découvert comme quelque chose de magique, mais qui s'est aussitôt refermé, oui. Comme une porte qui s'ouvre sur, oui. Un bonheur possible, qui se referme aussitôt. Et c'est quand même par la sensualité, même si ce n'est pas évidemment la même sensualité. Je dirais même, c'est presque vous de la... Ça ah, moi, je dirais. Parce que, quand vous regardez de près le texte, ses genoux, ses jambes, son corps, bien entendu, il est question de la partie inférieure du corps. Si ce n'est pas carrément, ce n'est pas un acte sexuel, mais alors pour Maupassant, le bonheur absolu, même dans la sexualité, le bonheur inaccessible, c'est que deux êtres ne font qu'un. Alors évidemment, c'est impossible, mais là aussi, peu importe, c'est un enfant, c'est une petite fille, mais c'est presque en faire un, parce que par le toucher, la chaleur qui se communique d'un corps à l'autre. Et il faut dire aussi que cette petite fille, dans le roman, elle naît en 1850. Et 1850, oui. C'est l'année de naissance de Maupassant. De Maupassant, comme si c'est sa naissance qui avait pu... rendre la joie de vivre à sa mère. Bon, sa mère, en fait, à sa naissance, était encore heureuse avec son père. Donc vous diriez que ce roman se termine bien, finalement ? Vous avez, oui. L'impression qu'il souhaitait donner de l'espoir à ses lecteurs ? Oui, c'est très certainement de l'espoir. Sais-tu quelque chose de plus affreux que ce constant frôlement des êtres que nous ne pouvons pénétrer ? Nous nous aimons les uns les autres comme si nous étions enchaînés, tout près, les bras tendus, sans parvenir à nous joindre. Un torturant besoin d'union nous travaille, mais tous nos efforts restent stériles, nos abandons inutiles, nos confidences infructueuses, nos étreintes impuissantes, nos caresses vaines. Quand nous voulons nous mêler, nos élans de l'un vers l'autre ne font que nous heurter l'un à l'autre. Je ne me sens jamais plus seul que lorsque je livre mon cœur à quelque ami, parce que je comprends mieux alors l'infranchissable obstacle. Il est là, cet homme. Je vois ses yeux clairs sur moi, mais son âme derrière eux, je ne la connais point. Il m'écoute, que pense-t-il ? Oui, que pense-t-il ? Tu ne comprends pas ce tourment ? Il me hait, peut-être, ou me méprise, ou se moque de moi. Il réfléchit à ce que je dis, il me juge, il me raille, il me condamne, m'estime médiocre ou sot. Comment savoir ce qu'il pense ? Comment savoir s'il m'aime comme je l'aime ? Et ce qui s'agite dans cette petite tête ronde. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons d'Une vie de Maupassant avec Antonia Fauny. Et cette archive, extrait de la nouvelle Solitude par Michel Bouquet, elle est un peu le contraire du relatif apaisement qu'on peut lire à la fin du roman Une vie, dont vous nous parliez à l'instant, Antonia Fauny. De manière générale, et y compris dans Une vie, qui est le premier roman de Maupassant, c'est quand même le pessimisme, c'est quand même la solitude qui domine. Bien entendu. Là, à la fin, c'est juste un moment, c'est juste une sorte d'issue qu'il ménage. Mais peut-être parce que c'est son premier roman et qu'il deviendra de plus en plus pessimiste. Oui. Dans les autres romans, il ne cherchera pas finalement à donner d'espoir à la fin. Certainement, il y a cela. Je dirais que lui-même, n'est-ce pas, le monde s'ouvre devant lui, devant lui aussi. Et ce qui est très important, je voudrais dire un mot. Il y a une structure qui revient très souvent chez Maupassant, presque partout. Enfermement, sortie dans l'espace ouvert, enfermement, etc. Et là, une vie se termine sur une note de sortie, n'est-ce pas ? C'est l'avenir, c'est le nouveau-né, la vie est devant elle, comme au tout début, devant Jeanne, quand elle sort du couvent et se réveille à la campagne. C'est tout à l'heure, on a parlé de la sensualité. J'ai dit que c'est presque de la sexualité, cet enfant, enfin ce bonheur avec cet enfant. Et là, j'ajouterai encore un mot, Eros. C'est Eros qui est toujours l'ouverture, qui va toujours vers le plus grand, vers l'intégration de plus large, du vivant, du monde, ainsi de suite. Oui, mais le thème du coup, c'est celui de l'espoir déçu, puisque comme vous le dites, il y a enfermement, puis ouverture, puis en général enfermement, encore oui, pire que la première oui, fois, oui. Puis de nouveau ouverture, puis enfermement, oui. et ce cycle ne s'arrête jamais. Oui, ben, probablement, une fois que la petite fille deviendra grande, ou bien elle-même recommence la voie de Jeanne, enfin bon, on ne peut pas savoir, mais il arrête le roman sur un moment où le prochain enfermement n'est pas encore là. Est-ce qu'il y a du Schopenhauer dans le corpus de Maupassant ? Ah oui, bien entendu, Schopenhauer était très très important pour lui. Une vie, n'est-ce pas, se termine sur le bonheur de la filiation, mais ailleurs, Maupassant était vraiment dans la détestation de la procréation, et Schopenhauer qui parle du piège de l'amour, on aime quelqu'un uniquement pour faire des enfants, pour procréer, pour que l'espèce continue, c'est le piège de la nature, ainsi de suite. Alors cela, on voit partout chez Maupassant, il en parle explicitement, et même quand il n'en parle pas, il en parle. Et puis il n'a pas cherché à avoir d'enfants, évidemment. Non. Sur la question de la place des hommes dans le roman et de la place de Maupassant lui-même dans le roman, est-ce que la façon dont il montre comment Julien traite mal sa femme n'est pas pour vous aussi une forme de culpabilité de Maupassant lui-même qui, très Don Juan, enchaîne les femmes et les traite sans doute assez mal aussi. Je ne crois pas qu'il les a maltraités. Je crois que Maupassant était dans ses rapports avec les femmes comme avec les hommes. Il était très clair. Donc je ne crois pas qu'il leur ait, n'est-ce pas, il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais promis l'éternelle fidélité. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a derrière, il y a une seule femme à qui il est resté fidèle, c'était sa mère, bien entendu. Et peut-être, c'est une hypothèse peut-être un peu facile, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais en quelque sorte, pour rester fidèle à sa mère, il n'a pas pu s'engager avec une autre femme. Il n'a pas pu tuer la mère comme on tue le père. Il n'a pas pu se détacher même après la mort de sa mère d'elle. Non. Il n'a pas voulu. D'ailleurs, sa mère lui a survécu, malheureuse. La mère était toujours malheureuse. Et il était toujours, je n'ai pas aux petits soins, mais aux grands soins plutôt, avec sa mère. Alors, je voudrais terminer cette émission, Antonia Foni, en reprenant un petit peu les grandes questions qui ont été posées à Annie Ernaux dans l'édition chez Garnier Flammarion que vous avez préfacée, puisqu'après tout, vous avez... alors, je ne sais pas si c'est vous qui avez posé ces questions et qui les avez définies, mais en tous les cas, elles sont dans le même livre que votre préface, et c'est une interview très intéressante. Alors, tout simplement, pourquoi aimez-vous une vie, Antonia Foni, pour reprendre les termes de cette interview. C'est une question très difficile. C'est une question qui a l'air simple, mais qui n'est peut-être pas. Non, c'est une question très difficile. Je dirais que j'aime Maupassant, et dans Maupassant, dans son œuvre, j'aime aussi Une vie, j'aime aussi d'autres romans. Pour moi, ce n'est peut-être pas le personnage qui m'intéresse. Peut-être aussi parce que j'ai trop travaillé sur Maupassant. Donc maintenant, je ne peux pas dire que c'est le personnage, que c'est l'histoire qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est son travail. Ce qui m'intéresse, c'est... J'ai travaillé aussi sur les manuscrits. On peut voir comment ça se forme. Et c'est un roman merveilleux dans le souci de l'exactitude. Donc là, dans Une vie, on lit vraiment la leçon de Flaubert, parce que par la suite, Maupassant, il y a une formule, une tournure qui revient très souvent. C'était une jolie femme, une de ces femmes, une de ces petites femmes, etc. Une de ces. Alors une vie, là aussi, Jeanne, c'est n'importe quelle femme, mais il n'y a pas de une de ces dans l'écriture de la banalité de ce destin terrible. Il individualise, je dirais, chaque scène, chaque mot, chaque description, chaque sensation de Jeanne. Mais ce qui est terrible, c'est justement la banalité. C'est ça le sujet presque c'est de Maupassant. C'est la triste banalité. C'est le sujet, mais en même temps, et c'est ça que je trouve admirable dans toute l'œuvre, et là, puisque nous parlons en vie, en particulier dans Une vie, c'est comment il a pu faire de la banalité un très grand thème littéraire. Comment il a pu rendre belle la banalité? C'est le grand travail d'artiste. Alors, vous dites que vous avez une lecture maintenant analytique, mais est-ce que vous vous souvenez de quand vous avez lu pour la première fois et à quel âge Une vie de Maupassant, à l'époque où sans doute vous n'aviez pas cette même lecture analytique? Non, bien sûr, parce que j'étais adolescente quand j'ai lu la première fois. Et Annie Ernaux parle de ce livre qu'elle a lu à 12 ans. À 12 ans et en cachette. Moi, je ne lisais pas à la maison en cachette, on m'a tout permis. Et en fait, Maupassant, je l'ai hérité de mon père, qui était lecteur vraiment fanatique de Maupassant. J'ai commencé à travailler de Maupassant comme sur un héritage. Je ne me souviens pas, je dois dire, de ma première lecture d'Une vie. Je crois que quand je l'ai lu en effet déjà à l'ombre de Flaubert. Et peut-être pas vraiment de Madame Bovary, mais plutôt de l'éducation sentimentale. Dans la continuité, dans l'objectivité de l'éducation sentimentale. Pour moi, la grande lecture de Maupassant, la première qui m'a marquée, c'était L'héritage. Bon, ça, c'est une toute autre histoire. Mais le début de L'héritage, où ils sont sur un balcon et ils regardent Paris. Très rapidement, vous avez... Enfin, pas vous, mais on a demandé à Annie Ernaux quelle était sa scène préférée. Et vous, quelle serait votre scène préférée? Ma scène préférée, bien entendu, c'est la scène d'amour en Corse, quand elle découvre... le bonheur. Le bonheur sensuel. Mais j'ajoute que, en venant ici dans le métro, j'ai pris Une vie. Et je l'ai ouvert au hasard. Et je suis tombée sur la scène où Rosalie, la bonne, vient la retrouver. Elle vient la retrouver quand la dernière personne de sa famille, sa tante, meurt. Et Jeanne qui s'affaisse au cimetière et Rosalie la prend dans ses bras. Et là, cette scène, tout à coup, je me suis dit, mais j'ai jamais lu cette scène comme maintenant. Un grand merci à vous, Antonia Fauny. Je rappelle que vous avez donc préfacé pour Garnier Flammarion ce roman dont nous avons parlé, Une vie. Demain, pour notre troisième volet, nous parlerons des contes et nouvelles. C'est sans doute la même chose, venez-vous de nous expliquer. Nous serons avec l'universitaire Martin Reed. Mais pour l'heure, c'est avec la poésie que se termine cette émission. Jacques Bonafé, qui poursuit ses lectures du poète Serge Pey. Bonjour, on est toujours sur « Venger les mots » de Serge Pey. Comme un drapeau sous sa couverture incendie, venger les mots, car les combats d'aujourd'hui valent les combats d'hier, dit Bruno Doucet dans la préface. Et nous tombons sur une adresse au président des USA dans la langue des signes des Indiens des Plaines pour la libération de Léonard Peltier, militant amérindien emprisonné depuis 1976. Plus loin, un autre poème de combat, prière punk pour les Pussyriotes. Notre-Dame de Russie, priez, je vous l'ordonne, priez pour les Pussyriotes, priez pour Nadejda Tolokonikova, déportée aujourd'hui depuis 1000 ans. Notre-Dame des poubelles, mangez debout avec votre fils, mangez sa merde. Une fourmi pousse une montagne dans une assiette, l'horloge immense d'un village démolit midi. De Serge Pey, André Velter dit « Il est le chaman qui chevauche les pulsions du souffle et du sang. Avec lui, la poésie tape du pied, devient vertige, envoûtement et libération de chaque fibre du corps. Accroché à ses bâtons d'écriture comme à des mâts naufragés, Serge Pey tangue et danse, rythme et profère. Aujourd'hui, l'âme du monde est passionnément inutile. Les étoiles ne se comparent à rien, dit Serge Pey. Une éponge regarde uniquement un seau d'eau pour la vider. Mis aux arrêts, les objets tirent contre le mur avec les ombres, le lit se plaint des morts qui ont joui dans ses draps. L'infini interrompt sa lumière au milieu d'une lettre. Notre-Dame des voiries, mettez-vous en ligne. L'aube est un poulet égorgé dans chaque tête. Un saint fait vomir ses doigts devant des cochons. Tout poème se comporte comme un fil de fer. Chaque regard qui le lit le plie avec ses yeux comme avec des doigts, car il garde toujours la trace de celui qui l'a lu, même une seule fois. Le poème est le fil de fer de Serge Pey. Les yeux sont aussi des mains absolues qui tordent ce qu'ils regardent. Pour vraiment lire un poème, il faut savoir effacer les pliures des regards de ceux qui l'ont lu avant nous, en le tordant. Mais on le sait, cela est impossible, on n'efface pas les regards, et tout poème se lit définitivement tordu dans tous les livres. Pourtant, il existe une solution. Il s'agit de couper le poème en deux, à l'endroit exact de la trace de la torsion laissée par le regard qui l'a lu. Pour cela, il faut tendre le poème entre ses doigts et le plier de nombreuses fois sur lui-même, par simple rotation, ou mieux, en le lisant plusieurs fois au même endroit. Le poème va chauffer à ce point précis et se rompre lentement en deux poèmes. Le poème de celui qui l'a écrit et le poème de celui qui le lit. Mais évidemment, personne ne verra le poème qui se lit lui-même, qui se trouve exactement au centre vide de sa rupture, qui est la véritable lecture de son avenir. Nous ne lisons toujours que des morceaux de poème, comme devant un fil de fer coupé qui, pour se lire ou s'étirer en entier, doit être à nouveau rassemblé infiniment. Ainsi, nous allons, avec des morceaux de poèmes dans les poches, à la recherche d'un feu qui les soudera et qui fera, avec leurs morceaux, un seul fil étiré dans la patience de celui qui tordra ce poème une nouvelle fois en crevant ses yeux pour le lire. »